l'image des Étrusques, les Phéniciens semblent quelque peu délaissés des thématiques historiques et archéologiques. Probablement parce qu'ils sont à l'opposé de nos propres rives méditerranéennes, surtout parce que dès l'Antiquité, Grecs et Romains les ont considérés comme des concurrents, des ennemis, des commerçants sans scrupules, voire des loups de mer. Dans la longue durée de l'Antiquité, le premier millénaire avant notre ère, le magazine d'archéologie de France Culture se propose ce soir d'embarquer dans le sillage de ces marins et navires phéniciens pour mieux découvrir ces acteurs majeurs de la géopolitique méditerranéenne avec pour guide, pour pilote, Corinne Bonnet. Bonsoir. Bonsoir Vincent. Professeur d'histoire grecque à l'université de Toulouse Jean Jaurès, vous êtes une spécialiste de l'histoire de la Méditerranée ancienne. Vous venez aussi, avec deux de vos jeunes docteurs, Élodie Guillon et Fabio Porzia, de publier « Les Phéniciens, une civilisation méditerranéenne » aux éditions Talendier. Merci d'être ce soir en ligne de Toulouse. Corinne Bonnet, contrairement à la Grèce, Rome ou l'Étrurie, la Phénicie paraît bien plus difficile à cerner. Pourquoi donc celle-ci nous paraît-elle insaisissable ? Alors, la réponse à cette question est un petit peu complexe dans le sens où déjà la notion de Phénicie est problématique. Elle est elle-même difficile à saisir, puisque je rappelle aux auditeurs que le terme de Phénicie vient du grec phoinike, qui est un terme grec. Donc, on n'a pas dans la langue phénicienne d'équivalent à ce terme, ce qui veut dire que les Phéniciens eux-mêmes ne s'appelaient pas dans leur propre langue phénicien, et que c'est seulement de l'extérieur, depuis les rivages grecs en quelque sorte, que l'on apercevait de ce côté-là une sorte d'unité qu'on a appelée la Phénicie, un territoire dont les bornes d'ailleurs ne sont pas faciles à fixer, d'où le côté un petit peu insaisissable de la chose. Ça, c'est, me semble-t-il, un premier élément. Et puis le deuxième élément, il faut quand même rappeler qu'on associe la Phénicie, les Phéniciens à l'invention, moi je dirais plutôt la mise au point de l'alphabet, et de façon tout à fait paradoxale, on n'a absolument rien conservé de littérature phénicienne. Pour vous... Et ça les rend aussi, ça participe à les rendre insaisissables, hein, puisqu'on n'a pas de littérature qui parle d'eux. Pour vous, il s'agit réellement d'un peuple, d'une nation ? Peut-être pas ? Alors, nation, certainement pas. Certainement pas, parce qu'au fond, ce qu'on observe sur la côte donc de l'actuel Liban, hein, grosso modo, avec des cités qui sont plutôt vers le nord en Syrie et vers le sud dans la zone d'Israël et de la Palestine. Dans cette région-là, sur la région côtière et dans l'intérieur des terres, ce qu'on a, c'est un chapelet de petits royaumes. Hein? Donc une nation, certainement pas. Ils n'ont d'ailleurs dans l'histoire jamais agi comme une nation. Ils n'ont jamais revendiqué d'être une nation. Un peuple, oui, peut-être une culture, sans doute, dans la mesure où, quand on observe les artefacts qui proviennent de cette région ou si on travaille sur les inscriptions, on s'aperçoit qu'il y a ce que les archéologues appellent un faciès phénicien, donc une langue qui, avec des petites variations locales, est en gros la même, une façon de produire de la céramique, des objets en métal, d'avoir un mode de vie, voilà, bon, sans parler des dieux aussi, bien sûr, hein, qui sont en bonne partie communs et qui donnent donc une certaine forme d'unité à cette Phénicie. En tout cas, la Phénicie n'est pas la préfiguration du Liban moderne. Avec les Phéniciens, nous voici sur une série de clichés, et cela de l'Antiquité à nos jours. Oui, absolument. Alors c'est vrai que les Libanais aiment à rappeler ce passé phénicien qu'ils considèrent comme prestigieux. Hein. Les Phéniciens sont des marins entreprenants qui ont parcouru toute la Méditerranée. Il y a eu dans l'histoire du Liban des mouvements politiques qu'on appelait les phénicianistes qui se réclamaient de l'histoire phénicienne. Bon, ce sont des constructions, c'est un imaginaire identitaire comme on en a un peu partout qui sollicite volontiers l'Antiquité. Voilà. Et des clichés, oui, des clichés. Depuis Homère, hein, déjà, c'est ce que vous oui, évoquiez Ulysse, au début. Ulysse, hein, bien sûr, aussi. Hein, voilà. Absolument, Ulysse, enlevé par des pirates phéniciens. Enfin, ils ont très mauvaise réputation. Mais pas que, hein. On trouve aussi des clichés positifs qui sont liés justement au savoir-faire sur mer, à une capacité d'être des marins excellents, à mener des expéditions maritimes. Donc il y a une vision qui est probablement moins manichéenne qu'on ne le dit souvent. Corinne Bonnet, remontons aux origines si elles existent. Que sait-on de cette côte levantine avant 1200 avant notre ère, qu'elle est probablement sous domination égyptienne ? Alors oui, donc bien évidemment la question des origines, je la laisse de côté parce qu'elle est vraiment, enfin c'est presque un faux problème en vérité, hein. Qu'est-ce que c'est que l'origine d'un peuple ? En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que il y a des habitats dès l'époque préhistorique sur la côte levantine, hein, Byblos par exemple, sur le promontoire de Byblos, on a trouvé des traces d'établissements préhistoriques. Et puis effectivement, à partir de l'époque qu'on appelle l'âge du bronze, ce qu'on observe, c'est un intérêt grandissant de la part des pharaons égyptiens, les 12e, 13e dynasties, 18e, 19e, qui étendent leur influence de plus en plus vers la zone syro-palestinienne. Vont dans un premier temps établir des garnisons, soumettre ces régions à un contrôle, un tribut payé annuellement, et puis progressivement vont créer véritablement une sorte de protectorat égyptien, hein, qu'on aperçoit assez précisément à travers la correspondance d'El Amarna, où l'on voit le roi... Visiblement, oui. Voilà, le célèbre Akhenaton, hein, qui... correspond avec les rois de cette côte levantine, qui sont tous soumis à son autorité militaire et à sa fiscalité aussi. Et ça, c'est une situation qui se maintient jusqu'à peu près 1200. Toujours autour de cette date, donc 1200 avant notre ère, le système palatial s'effondre sous des pressions internes et externes. On pense bien sûr à l'arrivée des peuples de la mer, par exemple. Nous voici donc devant un changement de structure géopolitique. Que se passe-t-il dans les petits royaumes phéniciens ? Alors, de façon là aussi un peu paradoxale, on peut dire que le fait qu'il s'agisse de petites unités géopolitiques, géographiques et politiques, des petits royaumes, les rend peut-être plus résilients que les grands empires qui vont beaucoup subir l'impact des peuples de la mer. Et c'est vrai que pour les petits royaumes de la côte levantine, ils se retrouvent après 1200. Alors, il y a des traces quand même du passage des peuples de la mer, hein, des traces d'incendie, de destruction, relativement peu importantes dans la zone phénicienne. Mais surtout, les voilà libérés de la tutelle égyptienne et face à une période qui sera finalement assez brève, mais au cours de laquelle ils vont jouir d'une certaine autonomie. Et par ailleurs, l'effondrement du système palatial crée une sorte d'appel d'air sur le plan économique, puisque je pense en particulier à la production des métaux, qui était quasiment un monopole des grands palais. Eh bien, on se retrouve à l'improviste avec la production du bronze en particulier, qui s'interrompt, et la nécessité donc de trouver de nouveaux marchés pour se procurer des métaux. Et on a tendance à penser que ça pu jouer un rôle qui a impulsé cette expansion phénicienne en Méditerranée dans une espèce de petite fenêtre temporelle où les Phéniciens ont joui d'une autonomie qu'ils n'avaient pas eue auparavant et qu'ils n'auront plus après. Corinne Bonnet, d'où viennent plutôt ces peuples de la mer qui sont assez énigmatiques? Ah oui, alors ça, effectivement, assez énigmatique. L'opinion la plus répandue les fait venir de la zone, on va dire, égéo-balkanique. Hein. On associe du reste parfois ce qui se passe sur la côte levantine avec ce qu'on observe à peu près au même moment, un peu avant, du côté de la Grèce mycénienne, où là aussi les palais sont détruits. Donc, peut-être des populations venant de cette région égéo-balkanique qui seraient descendues en Grèce et puis venues du côté du Proche-Orient. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il ne faut surtout pas imaginer une sorte de déferlante migratoire, mais un mouvement de déplacement de population qui s'est étalé sur des décennies, voire sur des siècles. En tout cas, 1200 avant notre ère, c'est pour vous le début du départ de la civilisation phénicienne ? Alors, on peut le voir comme ça. Vous savez, pour nous, les historiens, les découpages chronologiques ont toujours quelque chose d'un petit peu conventionnel. Et c'est vrai que, comme nous l'avons choisi pour ce livre, nous concentrer sur le premier millénaire, 2200 à environ 300, à la période d'Alexandre le Grand, c'est un choix qui est, je dirais, assez conventionnel dans notre domaine, mais qu'on peut remettre en cause. Voilà. En l'occurrence, ce qui se passe en 1200, c'est quand même la fin d'un monde et le début d'un autre monde. Pomponius Mela, géographe tardif bien sûr de l'Antiquité, le répète, les Phéniciens ont inventé l'alphabet et les œuvres littéraires. Ce n'est pas rien quand même. Ah non, ce n'est pas rien. Et alors Pomponius Mela, c'est un géographe, en gros, on va dire, contemporain d'Auguste, hein, premier siècle de notre ère. Il n'est pas le premier, d'ailleurs, à souligner cette réputation des Phéniciens comme des porteurs de culture, hein, l'alphabet, les œuvres littéraires. Et c'est le début d'une tradition qui va vraiment traverser le temps, puisque dans l'historiographie médiévale et puis moderne et jusqu'au XIXe siècle, dans les grandes histoires universelles, comme on n'en écrit plus guère aujourd'hui, mais comme on en écrivait à l'époque, on attribue régulièrement aux Phéniciens ce legs important qui constitue dans l'histoire universelle vraiment un apport qui est souligné dans ces ouvrages. Ce qui n'empêche pas que malheureusement les fameuses œuvres littéraires que l'on doit aux Phéniciens aient complètement disparu. On peut dire qu'en 1758, Jean-Jacques Barthélemy découvre donc cette écriture. C'est bien ça. On en parle peu de chercheur. Ah oui. Pourtant, c'est un personnage intéressant. Je suis sûre que vous le connaissez parce que l'abbé Barthélemy est l'auteur d'un roman très célèbre qui est celui du jeune Anacharsis. Et c'est un roman qui a eu à l'époque un succès fabuleux et une très grande... Voilà. Et donc lui, cet abbé Barthélemy, qui est, si je me souviens bien, membre de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, déchiffre l'écriture palmyrénienne en 1754 à travers des inscriptions bilingues. Hein, les déchiffrements, c'est très souvent comme ça que ça se passe. Et puis 4 ans plus tard, si je puis dire, il remet le couvert et il déchiffre l'écriture des Phéniciens en utilisant là aussi une inscription bilingue qui se trouve aujourd'hui au Louvre, donc nos auditeurs parisiens peuvent aisément aller la voir. Il s'agit de 2 cipes jumeaux qui ont été retrouvés dans l'île de Malte, mais qui peut-être y avaient été transportés récemment, je parle du XVIIIe siècle, mais qui pourrait peut-être être originaire de Tyr et qui porte une double inscription bilingue en grec et en phénicien, ce qui a permis à l'abbé Barthélemy de réaliser ce déchiffrement, qui change la donne quand même hein, pour les historiens, puisque jusque-là, quand on écrivait l'histoire des Phéniciens, ben, on savait ce qu'en disaient les Grecs, les Romains, ce qu'en disait l'Ancien Testament, mais on n'avait pas de source directe. Et là, hop, avec le déchiffrement, ce sont au début des dizaines, des centaines, aujourd'hui des milliers d'inscriptions que l'on peut lire et qui nous donnent accès, malgré tout, hein, directement à la vie des Phéniciens. Quand commence le début de l'expansion phénicienne en Méditerranée? Tout d'abord, bien sûr, Chypre, après, un peu plus loin. Alors là aussi, vous pouvez imaginer qu'il y a beaucoup de débats autour de ces questions. Pendant tout un temps, on a parlé de proto-expansion ou de proto-colonisation parce que, bien évidemment, les Phéniciens ne se sont pas réveillés un matin en disant « on part à l'assaut de la Méditerranée ». On peut imaginer qu'il y avait déjà, à l'époque du bronze récent, donc avant 1200, qu'il y avait des circuits commerciaux en Méditerranée dont on trouve des traces archéologiques qui étaient fréquentées notamment par les Phéniciens. Mais ce mouvement assez puissant, qui conduit d'ailleurs à des fondations importantes, avec, on se souviendra en particulier, la fondation de Carthage, que l'on peut situer aux alentours de 814, hein, qui est la date fournie par les auteurs anciens. Effectivement, ce mouvement puissant avec des fondations, voilà, je dirais 9e siècle, peut-être même déjà 10e siècle, pour ce qui concerne effectivement Chypre, qui a dû être une des destinations premières de ce mouvement. Qu'est-ce qu'un royaume phénicien? Une sorte de minuscule entité politique? Il faut alors citer peut-être Tyr, Byblos, Sidon? Absolument, ce sont les trois royaumes principaux. Il y en a d'autres, bien sûr. Hein. Mais oui, à quoi ça ressemble au royaume phénicien? Je dirais que c'est un territoire relativement exigu. Ces différents royaumes sont contigus, hein, il n'y a pas d'espace vide, si je puis dire. Donc, ça veut dire aussi qu'il peut y avoir des conflits frontaliers entre ces entités qui sont très proches. Ce sont des royaumes qui sont tournés vers la Méditerranée, hein, avec en général un port assez développé. Parfois même, ces cités sont des îles. Tyr était au départ une cité insulaire. Ils ont donc des ports très actifs, très développés, probablement aussi très internationaux, mais ils ont tous aussi un arrière-pays. Hein. Tyr, Byblos, Sidon, d'une certaine façon, c'est la capitale, avec tout autour un territoire qui se dirige, qui s'oriente vers l'arrière-pays montagneux, hein, car la montagne du Liban avec ses cèdres est là tout près. Et ce sont des populations qui très tôt se sont habituées à traverser ces montagnes, à trouver des chemins dans la montagne pour rejoindre après la plaine de la Béka, l'Anti-Liban. Donc même si les territoires de ces petits royaumes sont, comme, je dirais, enserrés entre la mer et la montagne, ils sont de fait extrêmement ouverts et sur la Méditerranée et sur les arrière-pays. France Culture, Carbone 14, Vincent Charpentier. Corinne Bonnet, on imagine des entités maritimes et côtières. Ce n'est pas strictement le cas. L'intérieur des terres joue bien sûr un rôle majeur. Oui, c'est un espace important. Et le dit Guillon, qui est co-autrice du petit volume dont nous parlons, a fait sa thèse précisément sur ce sujet-là. Et elle a montré qu'en réalité, les arrière-pays sont extrêmement actifs, actifs entre eux, actifs avec les zones maritimes et actifs aussi avec des zones qui se trouvent plus à l'est, en direction de la Mésopotamie. Et donc, on a dans ces régions des productions diverses et variées, du vin, on y produit beaucoup d'huile, il y a de l'artisanat. Donc voilà, il y a aussi bien sûr du commerce. Et en faisant une analyse du matériel archéologique, on s'aperçoit que les circuits de diffusion de tous ces biens touchaient non seulement la côte, mais aussi l'arrière-pays. Justement, les Mésopotamiens ont décrit un personnage effrayant, composé de viscères de moutons, l'Umbaba, vivant au cœur de la forêt de cèdres libanaise. Le cèdre, voilà une ressource majeure. C'est une ressource importante, et c'est vrai que le personnage auquel vous faites allusion est connu en premier lieu, et en particulier par le mythe de Gilgamesh, hein, qui voit Gilgamesh et son compagnon Enkidu se rendre dans la forêt des cèdres. Oui, le cèdre est un bois précieux qui a constitué une partie non négligeable des activités économiques des Phéniciens. On venait donc de Mésopotamie pour se procurer du cèdre. On venait aussi d'Égypte pour se procurer du cèdre. Dans l'Ancien Testament, dans le Livre des Rois, quand on nous raconte la construction du palais de Salomon ou du temple de Jérusalem, David et Salomon font aussi appel au cèdre du Liban. Donc c'est un produit prestigieux, et jusqu'à l'époque romaine, hein, jusqu'à l'époque d'Adrien et au-delà, il est question du commerce du cèdre phénicien. Alors bien sûr, la Phénicie est une sorte de plaque tournante. Dans le port de Soukas, les amphores grecques étaient si nombreuses que les archéologues ont pensé à une colonie hellénistique, il n'en était rien. Non, pas vraiment. Alors, vous savez, ça c'est une tendance assez fréquente, si on peut dire, dans les études archéologiques, mais aujourd'hui, je pense, assez remise en question et dépassée. Quand on trouvait des objets reliés à une certaine culture, on imaginait automatiquement qu'il y avait des habitants. C'est ce qu'on appelle parfois en anglais « pots and people », c'est-à-dire là où on trouve de la céramique grecque, on en déduit qu'il y avait un habitat grec. Or, aujourd'hui, on a une vision beaucoup plus fluide de ces réalités, notamment grâce à la découverte d'épaves en mer. Je pense par exemple à l'épave d'Uluburun ou de Kas, où l'on a vu qu'en fait, les navires en Méditerranée avaient des cargaisons très internationales. Donc, la présence de céramique grecque à Tel Soukass et en d'autres lieux de la côte levantine, nous renseigne certainement sur l'intensité de ces circuits commerciaux et sur des relations probablement assez intenses entre le monde égéen et le monde phénicien, mais pas forcément l'établissement d'une colonie, peut-être plutôt une sorte de comptoir commercial, tout au plus. Corinne Bonnet, vers le 9e siècle, la correspondance du roi de Byblos, Zakhar Baal, avec un émissaire égyptien semble très intéressante. Absolument. Alors, c'est un texte sur lequel d'ailleurs les égyptologues s'interrogent, hein, parce qu'il s'agit du récit de la mission d'un certain Ounamon, hein, on l'appelle parfois aussi Ouenamon. Ounamon ou Ouenamon, c'est le même personnage. Il est envoyé par le pharaon Ramsès XI, donc on est au XIe siècle avant notre ère, et il arrive à Byblos après un voyage aventureux d'ailleurs. Hein, son bateau est capturé, puis finalement il est relâché. Et de fait, les égyptologues trouvent qu'il y a quelque chose d'un peu romancé dans ce récit, et on se demande si c'est vraiment un rapport de mission ou si c'est plutôt un roman qui s'inspirait éventuellement d'expériences connues des Égyptiens. Toujours est-il que, arrivant à Byblos, Ounamon vient chercher du bois de cèdre pour construire la barque du dieu Amon, et il s'adresse au roi de Byblos, Zakhar Baal, en lui disant « Bon, bah, écoute, comme ton père, comme ton grand-père en a livré à mes ancêtres, il parle au nom du pharaon, je viens te demander du cèdre. » Et Zakhar Baal, on est justement à cette période où les Phéniciens se sont émancipés du pouvoir égyptien, et Zakhar Baal lui répond « Écoute, je ne suis pas ton serviteur, si tu veux du cèdre, il faut que tu le payes. » Et là, on mesure vraiment le changement, hein, de posture des Phéniciens par rapport à leurs anciens maîtres égyptiens. Hélas, tout va changer. Trois grandes époques, trois grands épisodes se suivent et peuvent retracer l'histoire de la Phénicie. La première entre le 9e siècle avant notre ère, bien sûr, et l'an 612 avant notre ère, voit l'arrivée des Assyriens. De fait, alors le sort de la Phénicie est un sort commun à toute la région proche-orientale, qui voit se succéder les grands empires, assyriens d'abord, effectivement, jusqu'à la chute de Ninive en 612, et puis les Babyloniens, une période assez brève, hein, jusqu'en 539, avec notamment Nabucodonosor, et puis après la domination perse, avant que n'arrivent les Grecs, et puis après eux, les Romains. Donc là, on entre dans la période des grands empires, mais c'est vrai que les Assyriens ont dominé cette région pendant longtemps, et aussi dans une période qui était assez stratégique, si je puis dire, puisque on vient de voir que, libérés des Égyptiens, ils s'étaient lancés dans ce grand mouvement d'expansion en Méditerranée. Et donc, la question qui pourrait se poser, c'est est-ce que la domination assyrienne va remettre en question cette liberté, cette capacité d'entreprendre que l'on observe en Phénicie. Et c'est ça qui est assez extraordinaire, c'est que face à la domination assyrienne, le commerce maritime s'accroît pour atteindre le Portugal. Oui, en tout cas, pendant quelques siècles encore, le mouvement se poursuit. Il y a une sorte d'élan en Méditerranée qui fait que les zones touchées par les Phéniciens se multiplient, effectivement, jusqu'au Portugal. Le sud de l'Espagne connaît vraiment une occupation phénicienne très intense. Et donc là, on peut penser qu'il y a un double mouvement par rapport à cette domination assyrienne. Pardon. D'une part, on peut dire que les Assyriens fondamentalement viennent là pour soumettre les Phéniciens au paiement annuel du tribut, c'est-à-dire une ponction fiscale, hein, qui se fait de plus en plus pressante et qui suscite d'ailleurs plusieurs révoltes avec une répression très dure. Mais d'autre part, l'empire assyrien est tellement étendu qu'il constitue pour les Phéniciens une sorte d'immense marché. Et donc la domination assyrienne est aussi, d'une certaine façon, une grande opportunité pour les Phéniciens qui vont pratiquer le commerce en Méditerranée, revenir dans leur port et diffuser ensuite les produits qu'ils ont acquis sur un marché international très étendu. L'influence phénicienne semble très forte en Espagne. On pourrait prendre par exemple l'art. Oui, oui, absolument. Et c'est vrai qu'on trouve un art ibérique, hein, si on pense à différents trésors qui ont été trouvés ça et là dans le sud de l'Espagne. On trouve des choses vraiment influencées par l'art, en tout cas l'art oriental, mais peut-être même directement à El Carambolo, par exemple, non loin de Séville, par des choses certainement phéniciennes. Et c'est intéressant parce que quand même, on trouve quelque chose d'un petit peu analogue en Grèce. Hein, si vous vous souvenez, ce qu'on appelle l'art orientalisant, qui est très important en Grèce au 8e, au 7e siècle. C'est au moment où les cités grecques se développent. Et on a un art, par exemple dans l'ivoire, qui est fortement influencé, dans la sculpture aussi, fortement influencé par des courants venant d'Orient. Et puis, rappelons que c'est les Phéniciens qui créent Malaga. Ce qui est étonnant, c'est le système phénicien. Ils auraient des sortes de comptoirs, plus ou moins éphémères, contrairement aux villes grecques. Oui, c'est vrai. Alors, il faut admettre que quand on observe la situation en Méditerranée, on a l'impression qu'il y a beaucoup de comptoirs, des établissements légers, voués essentiellement au commerce avec les élites indigènes, si je puis dire, hein, les élites locales. Mais on a aussi hein, les contre-exemples, c'est évidemment Carthage qui est devenue une cité, une ville très importante. On en a d'autres, on peut penser à Cadiz, à Gadès, qui est une fondation phénicienne. Donc oui, on a beaucoup de ces petits comptoirs qui durent parfois un siècle ou deux et disparaissent, mais on a aussi des villes qui servent de relais durables. Comment s'opèrent les relations avec les autres leaders du marché en Méditerranée occidentale, bien sûr les Grecs et les Étrusques ? Alors là aussi, des relations par moments qui semblent être des relations de bon voisinage, de collaboration. Et puis à d'autres moments, des relations qui sont conflictuelles. Si on prend par exemple la Sicile, hein, qui est un enjeu extrêmement important au cœur, vraiment au centre de la Méditerranée. Si l'on en croit Thucydide au livre 6 qui parle du peuplement de la Sicile, bon, les Phéniciens sont arrivés en premier, ils se sont établis, et puis les Grecs sont arrivés, et en gros, les Phéniciens se sont déplacés de l'ouest à l'est pour faire place aux Grecs. On a l'impression de quelque chose qui se passe en bonne entente. Mais à peine un ou deux siècles plus tard, en Sicile, les relations s'enveniment, on assiste à des guerres pour le contrôle de la Sicile entre les Grecs et les Phéniciens. Avec les Étrusques, on a relativement peu de sources, mais il y a certainement eu des échanges commerciaux. Et peut-être qu'on peut mentionner aussi Rome, après tout, puisque, alors là, ça concerne plutôt Carthage, mais les relations entre Rome et Carthage ont été très bonnes au début, et puis se sont terminées sur les guerres puniques. En tout cas, la Méditerranée possède bien sûr une myriade de peuples. Les Phéniciens y paraissent plus connectés que les autres, jusqu'à peut-être même jouer le jeu de l'hybridation. Corinne Bonnet, merci beaucoup d'avoir été en ligne de Toulouse avec nous. Je rappelle le titre de votre livre, Les Phéniciens, une civilisation méditerranéenne, publié chez Taillandier. Carbone 14 était réalisé par Louis-Valentin Faury, à la technique Philippe Mercher et bien sûr avec la collaboration de Sandrine Chaperon. Vous pouvez écouter ou podcaster Carbone 14 sur le site de France Culture et l'application Radio France ou retrouver plus de 300 archives sur le site inrap.fr.